Voyons, on n'est pas perdu. Après ça, c'est ça, on est parti un peu plus loin, on est monté, on est allé voir la fourmi atomique, excusez. Dans le fond, GF voulait savoir c'était où. On a rush, on a relax. On est allé. Après ça, on est monté directement en haut des portes. Okay. Fait que finalement, après ça, on est reparti, puis on s'est revenu juste là. Mais quoi, mais qu'est-ce que je dis, moi? Super caché fragilistique, expédilicieux. The.